Chapitre 8e. Tandis que le capitaine de hussards, Charles Aubin, parlait, les hôtes du général se regardaient avec une sorte d'étonnement qui tenait de la stupeur. Le château était cerné, il ouvrait ses portes, et le capitaine avait dit que M. de Mahardy était sauvé. Cependant, Diane et son père demeuraient impassibles. Le capitaine continua. Les portes du château ouvertes, nous entrâmes. Le colonel était accompagné d'un détachement de 100 hommes environ. Le commandant marchait à sa droite, j'étais à sa gauche. La garnison du château nous attendait dans la salle basse qui servait de salle à manger. Les 30 hommes de M. Mahardy se trouvaient réduits à 17. Le reste avait été tué. Tous étaient sans armes, tête nue, et ils rappelaient par leur attitude simple et fière ces vieux sénateurs de Rome que Brennus le Gaulois trouva dans leur chaise curule. Le vieil intendant de Mahardy les commandait. Loyaux comme de vrais Vendéens, ils avaient mis en faisceau leurs fusils de chasse et placé leurs armes blanches à l'entrée de la salle sur une table. Ces hommes se rendaient avec une confiance absolue dans la foi jurée. Mais nous cherchâmes inutilement le comte de Mahardy parmi eux. Le vieil intendant se mit à sourire car il devina ce que nous cherchions. « Ah, messieurs les officiers, dit-il, vous êtes bien simple de croire que nous aurions ainsi livré notre maître. Nous nous serions fait sauter si nous n'avions pu le sauver. » Et il ajouta, avec ce loyal sourire dont la fidélité seule a le secret, « Vous pouvez fouiller le château des caves au grenier, vous ne le trouverez pas. Il est loin et la mer est proche. Maintenant, faites de nous ce que vous voudrez. » Le colonel, pour l'acquis de sa conscience, fit visiter le château salle par salle, corridor par corridor. On a fouillé les caves, les greniers, et nulle part on a trouvé Hector. Quand cette perquisition infructueuse a été terminée, le vieil intendant nous a montré l'étang. « Monsieur Hector est bon nageur, et il plonge comme un poisson, nous a-t-il dit, puis il rampe dans l'herbe mieux qu'une couleuvre. Vous pouvez chercher, le bocage est grand, les bois sont fourrés, et Dieu est avec nous. » Le pauvre homme ne savait pas le secret plaisir qu'il nous causait en parlant ainsi. Et à cheval, le capitaine Aubin, j'ai mis l'éperon au flanc de mon cheval pour vous apporter cette bonne nouvelle. Ventre saint gris ! S'écria le général. Vous me feriez duc et pair, mon cher capitaine, que vous me causeriez moins de joie. Et le général regarda sa fille. Vous le voyez, madame, dit-il, Dieu a écouté vos prières et les nôtres. Le dernier des Mahardy est sauvé. Eh bien, morbleu, dit le colonel, du le roi des Français, à qui j'ai prêté serment me blâmer. Je ne vous cacherai pas, mon général, que je suis l'homme le plus heureux du monde. » Diane écoutait, pensive et grave. « Il est évident, reprit le capitaine Aubin, qui la regarda d'une façon significative, il est évident que M. de Mahardy est sauvé. D'abord, on ne cherchera point à le prendre. Ensuite, le bocage est, comme l'a dit l'intendant, couvert de bois épais, inextricable, qui s'étend jusqu'à la mer. Si la Vendée a déposé les armes, elle n'a point jugé bon de livrer les proscrits. Chaque paysan servira de guide à son chef, chaque chaumière lui sera un asile. Partout, on couvrira sa retraite. Et puis vous savez bien qu'il y a des navires anglais qui louvoient le long des côtes. À 7 heures, monté sur un bon cheval, le comte a fait 15 lieues. Au point du jour, il leur a mis le pied dans une barque. Dieu vous entende, mon cher capitaine, dit le général. Voici la première fois qu'un Morfontaine s'intéresse à un Mahardy. Mais je dois vous dire que ceux de Marras ne font rien à demi. Le jour où la paix est signée, ils deviennent les plus fidèles alliés de leurs anciens ennemis. Diane était toujours grave et triste. Le souper, qui avait commencé de la même façon qu'un repas de funérailles, s'acheva gaiement. Le général envoya quérir son meilleur vin, et les portes fermées, on but à la santé de l'héroïque comte Mahardy, à son heureuse fuite, à son passage en Angleterre. Les 3 neveux du général burent comme les autres, mais ils étaient livides de rage, le chevalier de Morfontaine et le baron de Passecroix surtout. Quant au vicomte de la Morlière, il était resté fort calme, écoutant avec une grande attention tout ce que racontait le capitaine Aubin. Il avait crié plus fort que les autres. « La santé du comte de Mahardy !» Le souper terminé, on passa au salon. Madame la baronne Rupert, prétextant toujours son malaise, se retira dans sa chambre. Le général proposa un whist. Le colonel, le capitaine Aubin et le baron de Passecroix s'assirent avec lui autour de la table. Monsieur de la Morlière et le chevalier de Morfontaine demeurèrent au coin du feu et se mirent à causer à voix basse. « Nous sommes floués, mon cher ami, » dit le chevalier. « Bois, » fit le vicomte avec calme. « Le comte l'est sauvé. »« Très bien. » Et avant 3 mois, il y aura amnistie. Je connais le gouvernement de Louis-Philippe. Il fait grand bruit, les chambres pérorent et demandent une sévérité extrême. Mais au fond, pas plus le roi que les ministres, pas plus les ministres que les chambres, ne veulent user de rigueur. On sera enchanté de savoir que le comte s'est échappé, et je te le répète, dans 3 mois, il y aura amnistie. Après, dit froidement monsieur de la Morlière, eh bien après, le comte rentrera en France. Bon. Et comme notre idiot oncle s'est laissé ensorceler par le colonel à ce point qu'il a bu à la santé de Mahardy, eh bien, Diane se jettera à ses genoux et lui avouera qu'elle aime le comte. C'est vrai ce que tu dis, la chevalier, mais... Et, acheva le jeune Morfontaine, le général, qui adore sa fille, les mariera. Un rire silencieux glissa sur les lèvres de monsieur de la Morlière. Tout ce que tu dis là, dit-il, est on ne peut plus logique. Ah, tu en conviens. Seulement, le hasard est si grand. « Mon pauvre vicomte, » murmura le chevalier, « le hasard ne peut rien contre l'enchaînement des faits, et c'est en pure perte que tu as imaginé ton fameux piège à loup. Tu crois, parbleu ?» Le vicomte haussa les épaules. « Chevalier, » dit-il, « nous sommes en province, un pays monotone, et le jeu qu'on y joue est mesquin. Mon oncle fait le whist à 5 sous l'affiche. C'est bête. Que me chantes-tu là ? Je vais, moi, te proposer un pari. Voyons. » Un pari de 100 louis, je le tiens d'avance. Donc, je parie 100 louis qu'avant 3 jours, mon piège à loup aura servi à quelque chose. Tu railles, vicomte ? Non, puisque je parie. Alors il servira à prendre grain de sel ? Tu te trompes. Qui donc alors ? Le comte de Mahardy. À son tour, le chevalier haussa les épaules. Vas-tu pas croire, dit-il, que le comte reviendra d'Angleterre pour te faire gagner ton pari ? Mon pauvre chevalier, murmura monsieur de la Morlière. Tu me représentes bien ces jeunes gens naïfs qui portent des gants jaunes sur le boulevard et pour lesquels l'amour se traduit par un bouquet de 20 francs qu'ils envoient à une danseuse. Vicomte. Bon, laisse-moi continuer. Tu t'imagines donc, toi, que le comte est en fuite ? Mais certainement. Et qu'avant 48 heures, il se sera embarqué. J'en ai la conviction. Tu es un niais. Mais, cependant, mon bon ami, murmura tout bas le vicomte, monsieur de Mahardy n'est pas à plus de 3 lieues du château. Il est caché dans les bois et il n'est pas homme à quitter la France avant d'avoir vu au moins une dernière fois sa Diane adorée. En ce moment, le vicomte fut interrompu par le général qui dit tout haut « Qu'est-ce que tu as donc, passe-croix, mon neveu ? Tu joues en dépit du bon sens. » Tandis que monsieur de la Morlière ne se décourageait point et réconfortait son cousin le chevalier de Morfontaine, Diane, pleine d'angoisse, attendait le retour de grain de sel. Le gars était parti dans la matinée, un fusil sur l'épaule. Il était sorti par la grande porte du château et il avait rencontré le général. « Où vas-tu donc, grain de sel ?» lui avait demandé M. de Morfontaine. « Je vais à Pouzauges voir ma tante, qui est en même temps ma marraine. »« Mais on se bat à Pouzauges. » L'enfant avait eu un rire intrépide. « Si on me tracasse, dit-il, je ferai le coup de fusil tout comme un autre. » Le général se contenta de tirer l'oreille à grain de sel et le laissa passer en murmurant « Ils sont tous de la même graine. » Le gars s'en alla fort tranquillement, son fusil sur l'épaule, suivi de Ravode, une jolie chienne courante tricolore. Ravode se mit à quêter dans les guérets, puis elle entra sous bois, grain de sel l'y suivit. Seulement, quand il fut dans le taillis, il siffla Ravode. Ravode avait déjà donné un coup de voix sur un lapin. « Va-t'en !» lui dit impérieusement grain de sel. Le docile animal, habitué sans doute à ce manège, s'en alla sur le champ et reprit le chemin du château. Alors grain de sel quitta l'allure du chasseur, allure lente, tranquille, pour celle du chouan. Il se prit à bondir, à ramper, à se glisser dans les fourrés comme une couleuvre, à courir plus vite qu'un chevreuil quand il avait une lande ou une clairière à traverser. De temps en temps il s'arrêtait, se couchait et appuyait son oreille sur le sol. Tout à coup, il entendit la fusillade qui commençait du côté de Mahardy. Il écouta avec attention et ne tarda pas à se convaincre qu'on faisait le siège du château. « Hé hé, » dit-il, « si on se bat derrière les murailles, cela me va. Ce n'est pas pour être à couvert, mais parce que le général n'en saura rien. Je vais faire le coup de fusil contre les bleus. » Grain de sel continua à marcher dans la direction de Mahardy. mais lorsqu'il n'en fut plus qu'à une lieue environ, il rebroussa brusquement chemin, prit à gauche et s'enfonça dans le plus épais du bois, en un lieu qu'on nommait la Bauge ferme, ce qui voulait dire que lorsqu'un sanglier y était retranché, il était impossible de l'en déloger. Là où les chiens ne passaient pas, Grain de sel parvint à passer. Plus souple qu'un serpent, plus adroit qu'un lapereau, il se glissa dans les broussailles et disparut. Nul, du reste, n'était à sa poursuite, mais quelqu'un y eût été qu'il aurait certainement renoncé à aller plus loin. Grain de sel semblait s'être évanoui comme un rêve. Ce qui n'empêcha point, une heure après, M. de Mainhardi, qui abritait derrière les créneaux de son manoir, commandait le feu sur les bleus, de voir tout à coup Grain de sel à ses côtés. « Que veux-tu, gars ? » lui dit-il brusquement. « Pourquoi viens-tu ? » « Je viens pour deux choses. Voyons la première. »« Je vais m'assurer que vous n'êtes pas blessé. Il faut bien que je porte de vos nouvelles à Madame Diane. »« C'est juste. » »« Et la seconde ? » ?»« Je viens pour faire le coup de feu à côté de vous. » »« Je n'ai pas besoin de toi. » »« Bon. » dit Grain de sel, « vous avez tort de faire fi de moi, monsieur le Hector. Je tue à 100 pas un chevreuil d'une balle dans l'épaule. N'importe, ce ne sont pas tes affaires de tuer des hommes. Tu es au service du général de Morfontaine. » « Oui et non, » répondit l'enfant. « Je suis au service de Madame Diane et au vôtre. Vive le roi !» Et l'enfant, étendant la main et souriant, tandis que les balles sifflaient, montra un drapeau tricolore qu'un officier brandissait de l'autre côté de l'étang. « Il a deux couleurs de trop, » dit-il. Et Grain de sel épaula son fusil de chasse, pressa la détente et fit feu. L'homme et le drapeau tombèrent. « Grain de sel, » dit tristement M. de Mainhardi, « tu viens de tuer un officier qui a été mon ami. Je te défends de recharger ton fusil. »« Ah, monsieur Hector, » fit l'enfant d'un ton de reproche. « D'ailleurs, » ajouta le comte, « nous allons nous faire sauter. Ainsi va-t-on par où tu es venu. »« Vous faire sauter ?» s'écria Grain de sel. « Et Madame Diane ?» Ce nom fit pâlir le comte. « Il faudra bien que nous nous fassions sauter cependant, » murmura-t-il, « si mes propositions de capitulation ne sont point acceptées. » Il ordonna alors de suspendre le feu, et comme l'avait raconté le capitaine Aubin, on arbora un drapeau blanc. On sait ce qu'il advint. Le colonel du régiment de ligne ayant accepté, Hector rassembla la petite garnison du château dans cette salle basse où 2 heures plus tard on devait la trouver réunie. Il compta ses hommes. Ils étaient au nombre de 21, y compris Grain de sel. « Mes enfants, leur dit le comte, j'ai négocié votre vie et votre liberté, et dans 2 heures, vous ouvrirez les portes du château. Je connais le colonel, c'est un homme d'honneur. Il tiendra religieusement sa parole, et vous serez libres d'aller où vous voudrez. Cependant, si 3 d'entre vous veulent m'accompagner, ils le peuvent. » Tous ne savaient pas comment Hector sortirait du château. Il n'y avait même qu'un seul homme, en dehors de Grain de sel, qui eût donné à Mainhardi connaissance du passage secret. C'était le vieil intendant, on le devine. Mais tous les hommes qui entouraient le comte s'écrièrent néanmoins « Moi, moi, moi !» Hector sourit. « Je ne puis emmener que 3 personnes, » dit-il, « et un baril de poudre. » Il ajouta ces mots avec un fier sourire et regarda Grain de sel. « Eh bien !» s'écrièrent plusieurs voix. « Tirons au sort !»« Soit !» répondit Hector. Les 20 chouins inscrivirent leurs noms sur un morceau de papier et le jetèrent dans un chapeau. « Allons, Grain de sel, tu es le plus jeune, » dit le vieux majordome, « mets ta main dans le chapeau. » Grain de sel tira successivement 3 noms. Le premier était celui de Mathurin, le second celui de Pomic, ce même Pomic que le feuconte de Mainhardi avait envoyé à son fils lorsqu'il était en garnison à Poitiers. Le troisième était celui d'Yvon. Pomic était un vieillard, Mathurin et Yvon étaient frères, 2 jeunes gars jumeaux de 20 ans. Si le comte eut à faire un choix, bien certainement il les eût choisis tous 3. « Maintenant, mes enfants, » acheva Hector, « donnez-moi tous la main et séparons-nous. Un jour viendra peut-être où je pourrai rentrer en plein soleil et la tête haute à Mainhardi. » « Mes enfants, » dit à son tour le majordome, en tirant un livre de messe de sa poche, « monsieur le comte a trop de confiance en vous pour vous demander de garder le secret de son évasion, mais moi, j'ai le droit de l'exiger. Vous allez me jurer sur l'Évangile que vous mourrez plutôt que de rien révéler. » 20 voix couvrirent la voix du vieil intendant. « Nous le jurons !» s'écrièrent-ils tous. « Et je suis bien sûr qu'il n'y aura aucun parjure parmi vous. Merci, mes enfants. » Le comte passa alors son fusil de chasse en bandoulière, mit ses pistolets à sa ceinture et dit aux 3 hommes qui le devaient accompagner, ainsi que Grain de sel, « Mettez du pain et du fromage dans vos bissacs. Il nous faut des vivres pour 3 jours. si les Bleus restent plus longtemps dans le pays, Dieu pourvoira à nos besoins. Et moi aussi, dit l'espiègle grain de sel. Puis le jeune gars ajouta, est-ce que nous emportons le baril de poudre? Mais sans doute, vas-tu pas croire, dit le comte avec son sourire calme et fier, que je veux me laisser fusiller? Plus souvent, murmura le gamin. Et bien qu'il eût déjà un fusil, il prit deux pistolets sur la table, en vérifia les amorces et les passa également à sa ceinture. Pomig, Mathurin et Yvon imitèrent grain de sel. Alors le comte ouvrit une des portes de la salle qui donnait sur une cour intérieure. « Venez, dit-il, puis il ajouta en riant. Si jamais les Bleus d'aujourd'hui savent par où j'ai passé, ils seront plus fins que les Bleus d'autrefois, qui, chaque fois qu'ils ont fait des perquisitions, se sont amusés à sonder les murs et les planchers et à fouiller les caves pour y trouver la fameuse issue. Marche, grain de sel !»